C'était bien ton comment tu dis, enchaînement? C'était bien l'enchaînement, c'était Alphonse. C'était du mix. C'était comme RTL. Du mix. Bon, oui. À propos. Je sais pas. À propos de mix. Oui. Il y a notre jeune ami là. Oui. La petite jeune fille qui a se prépare. Et ça, je pense que ça peut intéresser les gens de notre âge de comprendre un petit peu ce que ça. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la nouvelle. Ah, il fait passer des disques. Ça serait bien que tu lui demandes comment il fait et ce que c'est, ce que ça veut dire pour les jeunes. Comment tu fais? Comment tu fais? Ah. Il veut pas parler, c'est comme mon petit-fils, ça, il veut jamais rien dire. Il parle au téléphone avec son copain et il veut jamais me parler. Les jeunes aujourd'hui, ça parle plus trop. Voilà. Bah. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'entends plus rien dans mon casque. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui? Ah oui, d'accord. Bon, moi alors je voulais. Tu voulais parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, un bel homme encore. Anthony Quinn. C'est qui? C'est Anthony Quinn, tu sais le comédien. C'est qui? Celui qui jouait dans Laurence d'Arabie. Anthony Quinn. Tu sais? La Quinn. Anthony Quinn. Pas la Quinn, Anthony Quinn. Celui qui habitait à quoi on à la Chabossière? Tu mélanges tout. Anthony Quinn, il a jamais habité à la Chabossière, voyons. André. Bon, Anthony Quinn. Alors qu'est-ce qu'il fait? Anthony Quinn, eh ben France 3 lui rend hommage lundi. C'est ce qui est écrit sur le journal. Et qu'est-ce qu'ils font? Il est mort? Mais tu te rends compte? Anthony Quinn, il a eu 13 enfants. 13 enfants? 13 enfants, plus qu'Alphonse encore. Oh. Ça lui a moins couru sur le système, hein? Ben oui, c'est sûr. Oh. Quel bel homme. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde-moi ça, toutes ces photos de lui. Oh, quel bel homme. Oh, il était beau quand il était jeune, hein, ça c'est... Ça lui allait bien, le foulard sur la tête. Oh ben oui. Regarde. Il est mort? Ben oui, je pense bien qu'il est mort. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oh. Je sais plus quand il est mort, il n'y a pas longtemps. Il jouait pas dans Laurence d'Arabie? Si, il jouait dans Laurence d'Arabie, je viens de le dire, André. Un bien beau film. Ben oui, il a joué aussi dans Simbad le marin. Mais tu te souviens? Quel bel homme c'était dans Zorba le grec. Qui? Anthony Quinn, Alphonse. Il est pas 4 heures, là? Si, c'est l'heure de la soupe. La bégonière? Bah oui. Anthony Quinn, Alphonse, tu connais? Bon, allez. Je veux pas aller à l'hospice. Bon, tu nous fatigues, Alphonse. Toi, tu voulais dire quelque chose aussi, André. Toi, t'es très cultivé, t'aimes bien le cinéma. Du 3 au 7 juillet? Non, pas ça, Alphonse. Tu voulais parler d'autre chose. Regarde là. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand, au cinéma, oui. Il y a des films. Bah oui, bien sûr. Que les jeunes comme les vieux, ils regardent. Oui, alors, qu'est-ce que t'aimes bien? Ça rejoint. Et c'est Max Pécasse. Ah oui. Il y a sa photo là, quel bel homme aussi. Max Pécasse nous a fait rire quand on était jeunes. Bah et oui. Maintenant, il fait rire nos jeunes. Ça, c'est vrai, ça marche bien. Moi, mon petit-fils, des fois, avec ses amis, il regarde des films comme ça, ça les amuse bien. Il se téléphone pour se retrouver, pour regarder. Ouais. Des bons films. Hein, alors, dites-nous des noms de films. Je me souviens plus très bien, André. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Oh oui, quel beau film. Tu te rappelles, c'est là où le gars là, il se planque dans les douches pour voir les, oui. les bah tu sais quoi, la poitrine des jeunes femmes. Je devrais peut-être pas. Quel coquin tu fais, André? Oh, c'est pas moi, c'est ma coquin. Il est 4 heures. Et les enfoirés de Saint-Tropez, tu sais, où ils se planquent là dans les douches pour voir les poitrines des jeunes femmes. André, tu exagères quand même. Je les achète plus. Je les gagne sur Radio Décaté. Mais c'était qui? Ben, je sais pas. T'as dû appuyer sur le bouton pour les jungles, Alphonse. T'as cliqué. Et celui dans... avec Emmanuel Béard. Où il se cache? Je veux pas aller à l'hospice. Il se cache dans les douches pour regarder les poitrines de jeunes femmes. Oh, ça suffit maintenant, André, hein? Oh, mais ça suffit maintenant. Change de sujet, m'explique, s'il a pas fait autre chose. Ben si, il a fait le film là où ils sont... Ils sont dans la montagne. Avec Xavier Deluc. Et, oui. Et puis à un moment, ils prennent des douches. Et le jeune, là, il se cache dans les douches pour regarder la poitrine. La poitrine. Oui. Oh, mais ça suffit maintenant, hein. Les jeunes filles. Oh, vous êtes bien des hommes pour ça, hein. Vous pouvez pas dire autre chose. Il y a plein de petits jeunes qui nous écoutent. C'est pas un des modèles, ça, hein, de parler comme ça. Faut bien profiter de la vie aussi, mais quand t'étais jeune, t'en avais aussi de la poitrine. Bah oui, mais j'en ai toujours, hein, Alphonse. Voilà. Il faudrait dire aussi merci à la radio de nous prêter ses locaux. Oui, à la petite Amandine aussi. Elle est bien sympathique. Oui. Et puis, il faut les soutenir. Parce que c'est le prunoton. Oui, et puis c'est bien le prunoton. Et puis, il y a une fête aussi. Oui, pareil, oui, ce soir. Mais on va peut-être pas y aller, c'est un peu tard pour nous. Qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'on entend, Alphonse? Du bruit? Oui, on entend du bruit. Ça amène des amis. Hein? Comment? Quoi? Hein? Oui? Bon, Alphonse, on entend du bruit. Là, maintenant, tu nous dis ce que c'est. Oh, il m'énerve. Mais j'entends pas de bruit. Mais le téléphone qui sonne. Le téléphone sonne. Réponds, Alphonse. Mais y a pas de téléphone. Y a pas de téléphone. Il sonne et y a pas de téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Faut nous le mettre à l'antenne. On va aller à l'hospice. Ah, les jeunes aujourd'hui. Oui. Qui? Oui. Ah, c'est les dernières heures. Ah, arrête, tu fais du bruit. Oh! Oh! Oh! Donc là, j'appelle parce que j'ai... Allô? Tu veux gagner un cadeau? Il y a un livre que je devais chercher, que j'avais gagné, savoir s'il est arrivé ou pas, quoi. Qui c'est que ce jeune homme-là qui parle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce jeune homme qui nous appelle pour trouver des livres? Rien, moi. On n'est pas dans une bibliothèque ici. Oh, j'entends rien, c'est la teuf là-dedans. Tout le monde est allumé là, c'est terrible. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Il est parti avec la jeune fille qui a les cheveux blancs. Qui a les cheveux blancs? Mais tous les gens qui appellent, ils disparaissent après. Pourquoi qu'il voulait nous emprunter un livre, ce jeune homme? On n'est pas dans la bibliothèque ici. Il est fou. Mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes fous? Calme-toi, Alphonse, c'est pas grave. C'est pas grave, Alphonse. C'est des trucs internes à la radio. Radio des Cathy, la radio pour nous, les vieux. Il était jeune, lui. C'était un petit jeune, mais il était bizarre quand même, hein? Sur Radio des Cathy, les jeunes, on les emmerde. Je voulais faire un petit coup de cœur pour les radiateurs Adler, parce que c'est ce que j'ai chez moi, et vraiment, c'est très bien. Ça fait une bonne chaleur et qui diffuse bien, qui fait qu'on n'a pas des arthrites ou des problèmes de dos. Moi, j'aime pas trop parce que ça me donne les jambes lourdes. Ah, bah oui. Alors, mais non, c'est très bon pour les varices, c'est le docteur qui l'a dit. Bah, ton docteur, il dit n'importe quoi, parce que moi, mon docteur, il a dit le contraire. Bah, moi, j'ai eu des varices pendant tout l'hiver. Mais on a le même docteur. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Mais alors, il est fou, il a plus toute sa tête, lui, non plus. Mais qui êtes-vous? Mais Alphonse, quand même. Oh, ça y est, il y a de la touffe encore. Mais vous êtes qui? Faudra peut-être l'emmener à l'hospice un de ces jours, tout de même. Ça serait peut-être une bonne idée, oui. Ah, mon petit gars. Mais à qui tu parles, Alphonse? Mais Alphonse. Alors... Qui? Au revoir. Ah oui. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté Radio des Cathy. C'était bien. Oh, on reviendra. Au mois d'octobre, ils nous ont dit. Ah bon? Oui, au mois d'octobre, si on est encore là. Et dis au revoir, Alphonse. Au revoir. Très bien. Et à bientôt. Oui, c'était pas mal. Voilà, c'est fini. Il est 4h. Et venez ce soir. Il paraît qu'il y a une grande fête pour les jeunes. Oh, il y a une ancienne... L'usine, lui, tu te rappelles? On ira peut-être faire un tour. L'usine, je pense bien. Il y avait la Huguette qui travaillait là-bas. Ben, je pense bien. C'était pas mal. Donc moi, c'est là, mais il y a plus... J'ai travaillé un petit peu avant d'avoir mes enfants aussi. C'était bien, l'usine, lui. Mais il n'y a plus de machines maintenant. Il n'y a que des grands espaces où on peut danser. Des pailles d'or? Non, oui. Oui, les pailles d'or que t'aimes bien, que tu peux mâcher parce que c'est pas trop dur. Et c'est gratuit. C'est, c'est gratuit. Les pailles d'or, c'est gratuit, mais... Mais non, tu comprends rien à ce que je te dis. Oh là là là là, vous me fatiguez tous c'est les deux. C'est l'entrée à l'usine lui ce soir. Je vais pas payer en euros. Oui, mais ça d'accord, c'est un autre problème, Alphonse. On alors, en parlera en donc, octobre. Alors, au revoir. Au revoir tout le monde. Oui. Et à bientôt. Alors, oui. C'est fini. Oui, c'est alors, fini, Alphonse. T'appuies sur le triangle. Appuie sur un bouton. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Encore des... Oh, encore c'est des coucheries. Un indice. Encore des cochonneries encore. C'est des coucheries que tu salopions. Comment on arrête? Des salopions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, prune, ils ont ça dans leur discothèque. Oh. J'allais pas arrêter. Oui, bah oui. Ah ben, on dirait la musique d'un film de Max Pécasse un peu quand même. Appuie sur un bouton. Quand tu se caches dans les douches. Hé, hey, j'ai réussi. Regardez les jeux de poitrine. Oh, mais on a compris, André, maintenant. Ça suffit, hein, tes vieilles perversités, petit salopio. Oui. Eh bien, au revoir. Au revoir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Alphonse? Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, pourquoi t'enlèves ton pantalon? Tu passes le disque, oui. Non. Bah, oui. Lâche ton pantalon et maintenant mets le disque. Ah oui. Oh. Le disque. Dès qu'il y a des petites jeunes filles qui passent, c'est plus fort que lui. Sur Radio Ducati, les jeunes, on les emmerde. Mais on a déjà dit ça. Bah oui, mais c'est bien. Tu mets toujours les mêmes jungles. T'es complètement fou, mon pauvre Alphonse. Tu perds ta tête. Bon ben, au revoir. Au revoir, Alphonse. À mais bientôt. Non, mais t'en vas pas, Alphonse. Mets-nous un disque d'abord. Qui? Toi. Écoutez Radio Ducati et mourir. Yo, Alice, my man.